Éteins sa main droite, je monte sur Paris. Là, je me dis, on sait comment. Tueux. Le prix de la cargaison barré. Les loups boutent un masse, la Ferrari. J'suis pas ton rock, y'a pas d'Harry. Par la guerre, j'suis horoscope, par le shopping, j'suis Qataré. J'veux le flow de ta chatte, j'veux les fonds de Jack Attali. Tu es dit, j'veux te la mettre. Elle m'a dit, j'veux mettre du Cavalli. Grise et la matière, noir et la manie. Me sucera-t-elle pour du Armani? Ces négros sont 8, mais ces négros sont 8. Moi et la gloire, meilleurs amis. Tout est permis dans ma fédération. Les déflagrations sont des célébrations. J'ai bien retenu la leçon, ségrégation, cours de récréation. J'vais tiquer ta mère, ils vont repasser l'action. MAD, MAX génération. J'suis un selfie, c'est le photomaton. J'ai des amis flics et des potos matons. Non pas par gentillesse, pour faire entrer des iPhone 6S. Non pas par gentillesse, pour faire entrer des iPhone 6S. Dans le turfu, j'dois appeler Houston en cas de problème. Le 1143 mieux que la lutte gréco-romaine. J'ai des 3W, j'possède plusieurs noms de domaine. J'ai des McLaren, fucking BMW. Qui es-tu, fils de pute, c'est les questions que je pose. La simplicité, c'est de tuer qui s'oppose. Les clients ont eu leur dose. Mes diamants sont dans leur rose. J'défends le terrain comme Emerson. J'ai millions de Benjamin, t'as des liens, toi, Jefferson. Ils appellent ça l'horreur. T'as plus de followers, t'es plus personne. Street comme moi, dis-moi quand j'préfère jouer à la play quand des joueurs sont chauds. J'ai envie de poster ma queue, sodomiser tous les réseaux sociaux. Sombre rugby jusqu'à Alger, qui va m'arrêter par la 4G. Négro, tu veux pas perdre, faut pas jouer. Si j'pars, tu pars aussi, ah bah ouais. Le rap français, pas de l'aile, j'ai changé le pot. J'étais dans le cul de Tahlet, just a week ago. J'ai pris que le H fait des passes d'aise. Ces fils de l'art sont en passe d'aise. Fils dans le barillet, j'vais bien finir par y arriver. Mental Leonidas. Niquer des grands-mères, y'a que ça qui marche. Parfait en coulo de toute l'Italie. J'peux te sortir du game comme un Koulibaly. Demande à des loups de faire preuve d'humanisme. J'suis prêt à jurer que j'ai connu Mani. Ils ont été conçus par le fion. On a pris le dessus par le fond. Tout ça, ça s'aime, y'a pas 30 balles. Personne te regarde comme le handball. J'te traite comme négro d'implantation. 400 ans de fois, j'appartenu la son. Faire ta gueule et prends tes ronds. J'dépense encore de l'argent de Panthéon. Étiquette blanche aux gros orteils. T'auras jamais la carte vermeille. Numéro 1, je suis formel. Mon émerveil se trouve loin de Montfermeil. Dans le turfu, je dois appeler Houston en cas de problème. Le 1143 mieux que la lutte gréco-romaine. J'ai des 3W, je possède plusieurs noms de domaine. J'ai des McLaren, fucking BMW.